Chapitre 6. Le drame. Le lendemain, je revis mon rouletabille des beaux jours. Je retrouvai sa gaieté, sa joie de vivre, son insouciance. Il n'avait pas eu besoin de parler à Ivana. Par son attitude dernière, par sa propre initiative, sa résolution exprimée la veille d'abandonner la dangereuse partie que Thérèse lui avait fait jouer, Ivana avait rendu toute explication inutile. Et Rouletabille profitait particulièrement de la situation, c'est-à-dire que sa patience conjugale, sa confiance merveilleuse, étaient récompensées comme s'il n'en avait point touché les limites. Je trouvais que le hasard faisait bien les choses. Sur la prière de Madame Boulanger, nous ne quittâmes point tout de suite les chaumes. Du reste, un départ aussi précipité aurait été un peu ridicule pour Ivana, après les scènes du bal qui avaient vu le triomphe de la Théodora. Et puis, il n'avait plus sa raison d'être. Roland Boulanger ne s'intéressait plus du tout à Ivana. Il était souvent absent. Le martyre de Thérèse faisait peine à voir. Elle n'avait même pas essayé de reparler du voyage en Bretagne. Elle savait que ce serait inutile. Une après-midi où Roland nous avait quittés de bonne heure, elle nous retint pour nous apprendre son calvaire. Roland et Théodore se revoyaient en secret dans une villa de Sainte-Adresse. Elle espionnait son mari, faisait suivre Théodore et même le prince. Car le plus grand danger en ce moment est de ce côté, nous dit-elle. Je sais que le prince est affreusement jaloux, qu'il fait des scènes terribles à sa maîtresse et que le nom de Roland revient souvent entre eux. Mon Dieu, s'il les surprenait jamais! Mais s'il est jaloux, comment fait-elle donc pour rejoindre Roland, interrompis-je. Le prince est souffrant. Oui, il est tombé subitement malade. Oh, il était déjà suffisamment démoli. Par toutes les drogues qu'elle lui avait fait prendre, continua Thérèse, elle a dû lui faire goûter à quelque chose de nouveau pour qu'il se mette au lit et ne la gêne pas. Une femme comme celle-là est capable de tout. Bref, il ne quitte pas son appartement de Frascati, mais elle sort, elle. Ils ne sont donc plus à Deauville, je les croyais au Royal. C'est elle qui lui a fait quitter Deauville. Elle lui fait faire, au fond, tout ce qu'elle veut. Vous comprenez qu'ici, elle était gênée. Elle ne pouvait faire un pas sans avoir tous les yeux sur elle. Enfin, Roland lui-même, par un reste de pudeur, a dû lui faire comprendre qu'ici... Eh bien, ici, il y a moi. Du moins, je l'espère. Oui, j'espère qu'il aura au moins pensé à moi pour s'éloigner de moi, mais je n'en suis pas sûre. Mais revenons au prince. Hier, elle l'avait quitté à 3 heures. À 4, le prince s'est fait habiller pour sortir, mais il a été pris d'une défaillance et on a dû le recoucher. Voilà dans quel état sera mon malheureux Roland avant 2 mois si on ne l'arrache pas aux griffes de cette gouge. Moi, je la tuerai, dit froidement Ivana. Je regardai la jeune femme. Elle avait son plus sombre regard dans un visage glacé. On eût dit qu'elle venait de la tuer vraiment et qu'elle fixait devant elle sa rivale abattue. « La tuer ? » s'écria Thérèse. « Ah, si vous croyez que je n'y ai pas pensé !»« Eh bien, alors, qu'est-ce qui t'arrête ?» reprit la voix morne d'Ivana. « Tu serais acquittée, n'est-ce pas, Sinclair ?»« Mon Dieu, oui, fis-je, mais ça cause beaucoup d'ennui de tuer les gens, sans compter que je ne connais pas le jury de la scène inférieure et que l'on n'est sûr de rien après tout. » Entre nous, il vaudrait mieux trouver une autre solution. Je ne la tuerai pas, dit Thérèse, parce qu'il ne me le pardonnerait jamais. Il m'aime encore un peu, je ne veux pas qu'il me haïsse. Alors, questionna Ivana, de plus en plus sombre. Alors, je veille, soupira la malheureuse femme. Et elle nous quitta, s'accrochant au meuble. Ivana courut derrière elle et nous les entendîmes bientôt toutes les deux qui pleuraient ensemble. Rouletabille et moi descendîmes dans le jardin. Nous regardâmes les fenêtres ouvertes du bureau dans lequel personne n'entrait plus. « La pauvre femme, dit Rouletabille, on ne peut pourtant pas la laisser. J'ai pourtant bien envie de ficher le camp. »« Eh bien, et moi ? » ?»« Oh, toi, je te défends de partir sans nous. » Ivana vint nous rejoindre. Elle s'essuyait les yeux. « C'est affreux, dit-elle. Roland est perdu. Si vous saviez ce que Thérèse me raconte, elle est arrivée à soudoyer la femme de ménage de la villa de Sainte-Adresse. Cette femme qui va à la villa chaque matin pour y accomplir une besogne sommaire qui consiste surtout à donner de l'air, à ouvrir les fenêtres et à les refermer pour l'après-midi, moment de la journée où elle ne doit jamais paraître à la villa, cette femme, veuve d'un maître d'équipage qui sait ce que c'est que l'opium, a dit à Thérèse qu'il s'en faisait là-bas une orgie, qu'un matin elle avait trouvé la Théodora comme morte sur les coussins à côté de sa fumerie, qu'autour d'elle il y avait un désordre indescriptible attestant une lutte. Sans doute avait-elle tenté de retenir Roland malgré lui. Thérèse calcule que cela devait coïncider avec le soir où Roland est rentré avec une figure d'outre-tombe. Nous ne l'avons pas vu, nous autres, et où il s'est enfermé tout de suite dans sa chambre. Le lendemain matin, le valet l'a trouvé sur son lit, tout habillé. Voilà les détails que la malheureuse nous avait cachés jusqu'alors. Pour moi et pour Thérèse, Roland se défend encore au bord de l'abîme où l'autre veut l'entraîner. Thérèse m'a encore avoué des choses qu'elle avait honte d'étaler devant toi et devant Sainclair. Toute sa misère. Elle s'est jetée encore une fois aux genoux de Roland, mais cette fois, l'autre l'a balayée en lui disant de ne pas se mêler de ça, que ça passerait, mais qu'il ne fallait pas se mêler de ça. Il aurait été très dur, paraît-il. Et elle pense que cet homme l'aime encore un peu, interrompis-je. C'est ce que je lui ai dit. Elle m'a répondu, s'il ne m'aimait plus du tout, il serait déjà parti avec elle. C'est pour moi qu'il lutte encore, pauvre Roland. Textuel, je n'invente rien, termina Ivana. Est-ce qu'il a jamais aimé, questionnai-je. Oui, répondit Ivana, comme on aime un ange. Avec un tempérament comme le sien, Roland a dû se lasser vite. Il y a peut-être de sa faute à elle dans tout ça, repris-je. Elle se le demande, elle s'accuse, elle fait pitié. Rouletabille, qui n'avait encore rien dit, demanda « Quand est-elle allée se jeter à ses genoux ?»« La nuit dernière, nous étions encore au casino. »« Non, nous venions de rentrer, » fit-il. « Tu étais déjà montée dans ta chambre. » Sainclair et moi, nous finissions de fumer un cigare dans le jardin, puis nous nous sommes séparés pour regagner chacun notre appartement. Au coin du couloir, je vis passer comme une folle Madame Boulanger qui sortait de la chambre de son mari et qui rentrait dans la sienne. Elle était dans un grand désordre, les cheveux sur le dos, la gorge découverte et dans un déshabillé magnifique. Oui, eh bien, il venait de la mettre à la porte. La pauvre femme, fis-je, elle s'était faite belle. Avez-vous remarqué que depuis quelques jours, Thérèse se parfume d'une façon extravagante ? C'est touchant, dit Rouletabille. Comment se fait-il, demanda Ivana à Rouletabille, qu'en rentrant chez moi, tu ne m'aies point parlé de cette rencontre avec Thérèse dans le couloir ? Parce que, entendant toute la journée parler de cette histoire, je suis trop heureux quand je rentre chez moi d'oublier et Thérèse, et Théodora Luigi, et même Roland Boulanger. Ceci avait été dit d'un ton si net que nous restâmes un instant interdits, Ivana et moi. Est-ce un reproche ? Releva Ivana, d'une voix calme mais un peu tremblante. « Mon Dieu ! Fit-elle en nous quittant. Que les hommes sont égoïstes et méchants !» Rouletabille voulut la rappeler, mais elle secoua la tête et continua tranquillement de s'éloigner. « Non, non, » fit-elle encore, « j'ai compris. » Les événements se précipitèrent. Un jour, Thérèse nous apprit que le prince était sorti de son hôtel avec son secrétaire et qu'il avait fait une promenade en voiture du côté de Sainte-Adresse, mais on avait dû le rentrer presque aussitôt chez lui car il était tout défaillant. Théodora Luigi, en rentrant à Frascati, l'avait vivement réprimandé de cette incartade. Les médecins s'étaient joints à elle. Il avait promis d'être plus raisonnable. « Cela ne fait pas de doute qu'il les cherche, cette promenade du côté de Sainte-Adresse. Il doit être renseigné, nous dit-elle. Nous allons assister à quelque chose d'affreux. » Et elle se prit la tête dans les mains. « Mais il faudrait prévenir Roland, dis-je. Sainclair, je compte sur vous. » Elle n'osait plus rien demander à Rouletabille et depuis la petite scène de l'autre jour, Ivana, de son côté, s'était comme enfermée en elle-même, nous laissant dire, se mêlant peu à nos propos. Prévenez-le, continua Thérèse. Moi, je ne le puis, sans avouer que je les espionne, ce qui le mettrait en fureur. Le soir même, j'eus une courte entrevue avec Roland. Je pris toutes les précautions possibles en abordant un pareil sujet. Il sourit, me remercia et me demanda comment je connaissais tous ces détails. Je lui répondis que l'on s'occupait du prince et de Théodora Luigi au casino et que j'avais surpris des propos. « C'est ma femme qui vous a renseigné, me dit-il en accusant son sourire. Je sais qu'elle nous fait surveiller. Vous ne lui en voudrez pas, elle vit dans la terreur d'une catastrophe. « Bonne Thérèse, dit-il, rassurez-la et dites-lui que ses tourments vont bientôt prendre fin. Je le lui ai déjà dit plusieurs fois, mais elle ne veut pas me croire. Le prince va mieux et j'en suis enchanté. Oui, je serai heureux de les voir partir tous les deux et ce sera bientôt. « Vous me permettez de répéter tout cela à votre femme, elle sera si heureuse. »« Comment donc? Mais elle ne vous croira pas. Elle est têtue comme une mule, ma bonne Thérèse. » Elle ne vit que pour vous, dis-je. Soyez prudent. S'il vous arrivait quelque malheur, elle en mourrait. J'en suis persuadé, dit-il, et je vous promets d'être prudent, et pour elle, et pour moi. Diantre, je tiens encore à la vie. Il avait raison. Madame Boulanger eut un triste sourire quand je lui répétai les paroles de Roland. Elle ne croyait plus en ses promesses. Tout de même, elle put constater le lendemain que Roland fut assez prudent pour ne pas retourner au Havre. Il resta presque toute la journée avec nous et se montra gai comme les premiers jours. Il taquina Ivana qui fut assez maussade, ce qui parut le surprendre outre mesure. « Nous ne sommes plus amis, demanda-t-il. « Je vous répondrai quand nous nous remettrons au travail, lui dit-elle. Eh bien, faisons la paix tout de suite, car nous travaillerons dès demain matin après une bonne promenade à cheval suivant le programme. Ça vous va ?»« Si ça pouvait être vrai !» s'écria Ivana, dont les joues s'étaient empourprées. Quant à Thérèse, elle avait la fièvre. L'événement la surprenait tellement qu'elle en paraissait comme anéantie. Cependant, son inquiétude, de temps à autre, reprenait visiblement le dessus. Quand nous fûmes seuls, je lui adressai quelques paroles, mais elle ne parut pas m'entendre. Tantôt, elle nous montrait une figure illuminée, et tantôt, elle paraissait céder à un accablement nouveau. La pauvre femme ne pouvait croire entièrement à tant de bonheur. Et, par instants, son regard, qui était bien loin de nous, semblait entrevoir des choses bien sombres. Nous pûmes craindre, ce jour-là, quelque peu pour sa raison. C'est du moins l'effet qu'elle nous produisit, et je vois encore Ivana prendre dans les siennes ses mains brûlantes et lui tenir des propos pleins d'espoir. Le lendemain matin, Roland fit sa promenade à cheval annoncée. Cette fois, Rouletabille s'était mis à la partie. Cette détermination me plut. De toute évidence, mon ami n'était pas d'humeur à se prêter à une nouvelle édition des expériences passées. Quand ils revinrent tous trois à la villa, un jeune matelot, qui portait à son béret le nom de l'Astarté, joignit Roland Boulanger au moment où celui-ci descendait de cheval, lui remit un pli sous enveloppe. Roland décacheta avec une main fébrile et lut. Ce ne fut pas long. Il mit le papier dans sa poche, cria au palefrenier de sauter sur l'un de nos chevaux et de le suivre. Quant à lui, il était de nouveau en selle et sans nous avoir dit un mot, il repartait à fond de train. Le matelot courait derrière lui dans la direction du port. Rouletabille, Ivana et moi-même, qui venaient de descendre les degrés de la villa, restâmes un instant à nous regarder. Puis, levant les yeux vers la fenêtre de la chambre de Thérèse, nous aperçûmes, sous un rideau soulevé, une figure de spectre. La pauvre Thérèse était effrayante à voir. Le rideau tomba. C'est elle qui avait raison, fis-je. Nous ne pouvions douter, en effet, que sur un mot de Théodore, Roland ne fût allé la rejoindre, et avec quelle rapidité. Nous n'en doutions pas, car nous savions que c'était par le truchement de la chaloupe automobile de l'Astarté que Roland se rendait à cette adresse presque tous les jours et en revenait. Nous étions encore à notre place, en proie à notre saisissement, quand Thérèse parut sur le perron. Elle avait cette figure sèchement dramatique dans la douleur que Guido Reni a donnée à sa mater Dolorosa, avec cette bouche entr'ouverte qui n'a plus de sanglots et ses yeux glacés qui n'ont plus de larmes. Elle ne nous dit rien et nous ne savions que lui dire. Elle s'était enveloppée d'un manteau sombre et coiffée d'une toque. Évidemment, elle allait là-bas reprendre sa veille. Elle se dirigea vers le garage et demanda l'auto. Elle nous étonna par sa démarche assurée, cette femme qui venait de nous montrer une figure à l'agonie. Elle revint vers nous, elle était calme. Elle dit encore tout haut « Je ne suis pas pressée, j'ai le temps. Je ne dispose pas de chaloupe automobile, je prends le bateau comme tout le monde. » Elle ouvrit son sac et en tira un de ces petits cartons où sont inscrites les heures des marées et qui indiquent l'horaire des départs de bateau. « C'est bien cela, j'ai 20 minutes. » L'auto venait se ranger devant nous. Elle y monta après nous avoir fait un signe. Ivana courut l'embrasser et nous l'entendîmes qui lui demandait si elle voulait bien qu'elle l'accompagnât. Mais Thérèse la remercia assez sèchement et referma la portière. Quand l'auto fut partie, « C'est un crime !» jeta Ivana, « que de la laisser s'en aller ainsi. Elle est froide comme un marbre. La vie va lui manquer tout d'un coup, son cœur va s'arrêter. Voici l'effet qu'elle me fait. Tout ceci est horrible !»« Horrible ?» répéta Rouletabille, « mais il est suffisamment démontré que nous n'y pouvons rien. Tu ne vas pas aller espionner avec elle, peut-être, écouter aux portes, compter les minutes d'amour de ces deux déséquilibrés ?» Plaignons-la, c'est tout ce que nous pouvons faire. Oh oui, je la plains de tout mon cœur. Voilà ce que c'est que d'épouser un homme de génie, grogna Rouletabille, qui, dans le moment, me parut odieux. Ivana tourna sur lui des yeux sombres et pleins de larmes. Oh, Zo, tu oublies tout ce que j'ai souffert pour toi. Il eut les yeux humides à son tour, et je murmurai, en les prenant tous les deux par un bras, peut-on se déchirer ainsi quand on s'aime? Sinclair est celui qui a le plus souffert de nous tous, et c'est encore lui qui est resté le meilleur, dit Rouletabille. Oh, moi, fis-je, je ne compte pas, un pauvre petit divorce bien banal. Oui, toi, si tu as pleuré, il n'y a que ton papier timbré qui l'a su. Tu es plus grand que nous tous, Sinclair. Allons déjeuner en Normandie. Le déjeuner ne fut pas folâtre comme bien on le pense. Ivana était inquiète et répétait « Je n'aurais pas dû la laisser partir seule !» ce qui continuait à horripiler Rouletabille. Au dessert, nous ne pûmes éviter le petit ramel de Dramatica qui passait entre les tables, serrant les mains, recueillant les potins. « Comment va la tuberculose des poules ?» nous demanda-t-il. Je pus croire que Rouletabille allait lui flanquer des gifles, mais l'autre continua sans les attendre. Vous savez la dernière nouvelle, le prince Henri devient fou. On va peut-être être obligé de l'enfermer. En tout cas, il nous quitte, ou plutôt sa Théodore l'emmène on ne sait où. Le départ est commandé pour demain à Frascati. Là-dessus, il nous quitta. Tout devient clair, fis-je, et il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler, au contraire. Roland aura reçu de Théodore ce matin la nouvelle de son brusque départ, et il est allé lui dire un dernier adieu. « C'est bien possible !» exprima Rouletabille avec indifférence. Après déjeuner, Ivana, qui avait à peine prononcé quelques paroles en dehors de son refrain « Je n'aurais pas dû la laisser partir seule », nous quitta sous je ne sais quel prétexte. Nous allâmes, Rouletabille et moi, faire un tour dans la campagne, d'où nous revînmes vers les 5 heures. En passant devant la potinière, nous fûmes surpris de l'agitation qui y régnait. Aussitôt qu'on nous aperçut, plusieurs personnes se levèrent et nous entourèrent. On nous croyait au courant de l'affreux événement et nous eûmes quelque mal à démêler tout de suite les fêtes qui provoquaient une telle émotion. La nouvelle du drame était arrivée par un coup de téléphone adressé du Havre au comte de Mornac et voici ce que nous apprîmes. Le prince Henri II d'Albany, après avoir essayé d'atteindre Roland Boulanger et Théodore Aluigi, enfermé dans une villa de sainte adresse, avait abattu à coups de revolver Madame Boulanger qui se trouvait non loin de là et qui, l'ayant aperçue, s'était précipitée pour lui barrer le chemin. Après quoi, il était allé se jeter du haut de la falaise. On venait de rapporter son corps dans une dépendance de l'hôtel Frascati. Madame Boulanger était-elle morte ou vivante? Voilà ce que l'on ne put nous dire. Je vous fais grâce de tous les commentaires dont on accompagnait cette tragédie et de toutes les folies qui se débitaient autour des tables. Nous avions encore un bateau pour nous rendre au Havre, le dernier de la journée, mais il fallait nous presser. Nous nous jetâmes dans une voiture, et c'est tout juste si nous ne le manquâmes point. Nous n'avions pris que le temps de faire prévenir Ivana des événements et de notre départ par un ami des boulangers qui se trouvait là. « Quel coup pour Ivana !» me fit Rouletabille, qui ne pouvait retenir ses larmes. « C'est inouï, exprima-t-il, ce que nous sommes peu de choses auprès des femmes. » Elles sentent, elles devinent, elles touchent avec leur merveilleux instinct la forme des minutes à venir qui restent obscures pour les plus forts et les plus malins d'entre nous. L'agitation d'Ivana nous paraissait anormale, presque ridicule. Elle voyait déjà ce que nous venons d'apprendre et ce qui n'était pas encore pour notre misérable intelligence de mathématicien qui enferme tout dans des formules sans issue, qu'une image future, c'est-à-dire rien, moins que rien, une idée de femme. Sur le bateau, nous nous trouvâmes avec le petit Ramel de Dramatica qui allait au Havre dans le dessein tout naturel d'y trouver les éléments d'un sensationnel reportage. Il nous dit que ce drame ne surprenait personne, mais qu'aucun personnage n'y était plus préparé que la victime elle-même. Et il nous confia que, quelques minutes auparavant, à la potinière, quand l'affaire avait éclaté, le comte de Mornac lui avait donné à lire une lettre qu'il venait de recevoir de Paris de sa vieille amie Madame de Lens, qui était une intime de Thérèse et à laquelle cette dernière avait écrit l'avant-veille qu'elle s'attendait à tout et à quelque chose de pire encore. Madame Lens écrivait au comte qu'elle ne pouvait lui en dire davantage dans une lettre et que, du reste, elle espérait bien que Thérèse se trompait et que ses horribles pronostics ne seraient point réalisés. Je n'attachais, quant à moi, aucune importance à cette conversation avec le petit Ramel, mais on verra plus tard que Rouletabille ne l'avait pas oublié. Au Havre, Ramel ne voulait pas nous lâcher et mon ami dut lui faire comprendre qu'en ce qui le concernait, lui, Rouletabille, il n'était conduit sur les lieux que par son amitié pour les boulangers, de qui il était l'hôte. En raison de quoi, il serait obligé à Ramel de mener son enquête journalistique tout à fait en dehors de lui. Nous eûmes la chance de trouver une auto et, semant le Ramel, nous nous fîmes conduire en grande vitesse à cette adresse. Nous dûmes descendre avant la Villa Fleury, c'était le nom de cette fatale demeure, à cause du service d'ordre. Il y avait là beaucoup de monde. Nous nous trouvions tout à fait à l'extrémité de cette adresse, sur le haut de la falaise, devant une maisonnette basse, tout en rez-de-chaussée, qui était habitée, nous apprîmes ces détails quelques instants plus tard, par la femme de ménage de la villa dont Thérèse avait parlé à Ivana. Cette femme cachait Thérèse chez elle quand la malheureuse venait au Havre. De là, celle-ci pouvait surveiller la Villa Fleury, dont nous apercevions le visage de bois, les fenêtres closes. Quelles heures Madame Boulanger avait dû passer, derrière les petits rideaux blancs de cette maisonnette de matelots, en face de ces murs, derrière lesquels il y avait de la volupté et de la mort. Mais nous fendions la foule. Rouletabille eut la chance de tomber sur un inspecteur de la Sûreté de Paris, M. Tamar, qui le reconnut et facilita notre passage. Dans le moment, nous ne nous étonnâmes point de trouver déjà sur les lieux un représentant de la police de Paris. Du reste, il me semblait bien avoir déjà vu cette figure au casino de Deauville, le soir où Théodora Luigi avait fait son apparition avec le prince Henri. Encore un détail qui devait avoir plus tard son importance, mais vous pensez bien qu'alors nous n'avions qu'une hâte, qu'un désir, qu'une angoisse, savoir si Thérèse était encore vivante et si cet homme n'en savait pas plus long que nous à ce sujet. Il revenait de l'hôtel Frascati, où il s'était occupé de faire porter le corps du prince. Nous pénétrâmes dans la villa avec lui et la première personne que nous aperçûmes traversant un corridor fut Ivana. Aussitôt qu'elle nous vit, elle s'arrêta. Sa figure était bien belle dans sa douleur. Elle prononça d'une voix basse, déchirée. « Eh bien, mes pauvres amis, qu'est-ce que je vous avais dit ? Mais est-elle morte ? Est-elle vivante ? Elle vit et Roland la sauvera. Nous pouvons maintenant en avoir le ferme espoir. « Dieu soit loué, soupirai-je. Peut-on la voir ? Je crois qu'elle sera très heureuse de vous voir. » Elle s'est inquiétée de vous. Vous entrerez et sortirez presque aussitôt. Ne la faites pas parler. » Un instant, fit Rouletabille. Où, quand, comment a-t-elle été frappée? Quelle blessure? « Voyons-la d'abord, » déclarai-je avec un peu d'impatience. « Nous la verrons ensuite, » répliqua Rouletabille, très froid et très calme. Ivana connaissait son Rouletabille. Elle savait qu'il fallait en passer, quand il prenait ce ton, par où il voulait. « Elle a été frappée par deux balles, » commença-t-elle. « La première, entrée à la hauteur du cœur, a rencontré heureusement le sternum sur lequel elle a glissé, et elle est sortie en remontant à la hauteur de la clavicule. La seconde a pénétré dans la poitrine, au-dessus du foie, mais Roland croit pouvoir affirmer qu'aucun organe important n'a été lésé. Il a procédé à l'extraction de la balle. Thérèse a subi avec un grand courage l'opération qui s'est achevée sans complication. Vous voyez que rien n'est perdu. Maintenant, voilà ce qu'on sait du crime. » Rouletabille l'interrompit et lui dit brusquement « Tu as pris le bateau de 3 heures ?»« Oui, ne m'en veux pas. J'étais sûre que c'était pour aujourd'hui. Un pressentiment qui a été plus fort que tout. Je ne vous ai rien dit quand je vous ai quitté, mais j'étais résolue à venir au Havre cet après-midi. Hélas, quand je suis arrivée, il était trop tard. » Trop tard, pourquoi ? Interrogea Rouletabille blême. Mais pour me jeter entre la malheureuse et cette brute. Ils vous auraient abattu toutes les deux, et je bénis le ciel que tu sois arrivée trop tard, Ivana. Que ne l'ai-je accompagnée ce matin ? Reprit la jeune femme, sans s'arrêter à ce que lui disait Rouletabille, et tout à fait indifférente à la pensée qu'il exprimait qu'elle aurait pu être victime, elle aussi. Comment es-tu venue ici tout de suite ? Tu connaissais donc l'endroit ? Oh, il n'était pas difficile à trouver, après tout ce que m'en avait dit Thérèse. Et puis, ajouta-t-elle après une seconde d'hésitation, je puis bien te l'avouer maintenant, qu'une fois, sans rien dire à qui que ce soit, pas même à Thérèse, je suis venue en me cachant jusqu'à la maison d'en face. Tu as fait cela, toi ? C'est assez singulier, émit Rouletabille d'une voix sourde. Tu as bien fait de ne pas m'en parler. Je t'aurais sérieusement blâmée. » Elle regarda Rouletabille, puis nous poussa dans une petite pièce qui prenait jour sur une cour intérieure. Quand elle en eut fermé la porte, évidemment, ce n'était pas ma place, mais Thérèse m'effrayait de plus en plus. J'avais entendu dire des choses du prince Henri qui m'épouvantaient. Tu voulais sauver Roland, toi aussi ? Peut-être, mais je crois bien que c'est la pensée du malheur de Thérèse qui m'a surtout guidée alors, répliqua-t-elle sur le ton d'une tristesse infinie. Je voulais avoir un entretien avec cette femme de marin que je croyais au courant de tout. Elle allait peut-être m'apprendre des choses qui eussent pu être utiles à tout le monde, mais je n'ai pu rien en tirer. Si elle sait quelque chose, Thérèse doit la payer cher. Et puis, cette femme dit sans doute la vérité. Elle fait des ménages en ville et elle est rarement chez elle. Thérèse avait une clé et entrait dans cette maison, en sortait comme elle voulait. Au fait, cette personne, Madame Merlin, était absente au moment du drame et n'a pu donner aucun renseignement. Comment connais-tu les détails du drame ? Mais par Roland qui m'a tout raconté et par un témoin, un agent de la police locale qui se trouvait sur les lieux. Enfin, Thérèse a pu prononcer quelques paroles qui nous ont fixés définitivement. Roland m'a dit qu'il se trouvait dans une pièce du rez-de-chaussée avec Théodora Luigi quand ils avaient entendu des cris au dehors. D'abord, il n'avait pas reconnu la voix de sa femme. Et puis, une clameur distincte et toute proche, « À l'assassin, Roland, Roland !» Cette fois, il avait reconnu la voix de Thérèse. Il ne s'étonna point qu'elle l'eût suivi jusqu'ici, car il connaissait ses transes et savait ce qu'elle était capable de faire pour le sauver. D'autre part, comme Théodora venait de lui avouer que le valet de chambre du prince n'avait point trouvé son maître le matin même, dans sa chambre, et que l'on ne savait ce qu'il était devenu, il ne douta point que sa femme ne fût aux prises avec ce fou. Théodora non plus n'en douta point, mais cette même pensée qu'ils avaient tous deux se traduisait chez l'un et chez l'autre par des gestes différents. Roland se précipitait sur la porte du vestibule, mais Théodore le retenait de toutes ses forces. Cependant, l'ayant secoué brutalement, il ouvrit et ils se trouvèrent en face du corps de Thérèse, étendu en travers du seuil. « La malheureuse, elle leur a donné sa vie, » m'écriai-je. « C'est une femme qui sait aimer, » exprima Ivana d'une voix profonde. « Moi, je ne saurais pas. J'aurais pris la vie de quelqu'un, je n'aurais pas donné la mienne. Roland a juré de la sauver et de vivre à genoux devant elle. Il le peut. Parle-moi de l'agent, commanda Rouletabille, qui n'aimait point les digressions sentimentales. Il s'en est fallu de quelques secondes qu'il sauva Thérèse de ce fou. Quand Roland ouvrit la porte, un agent en bourgeois de la police locale, un nommé Michel, était déjà penché sur Thérèse. Cet agent veillait sur la villa. Il avait été requis et était payé par Théodore, qui en était arrivé à tout craindre du prince, mais ne voulait point s'en aller sans avoir revu Roland. Roland m'a confié que la passion de cette femme pour lui avait augmenté en raison même de ce que la sienne diminuait, car elle s'était aperçue de sa lassitude. En effet, Roland en avait assez, et c'est seulement la crainte qu'elle ne se livrât à quelque acte de désespoir si elle ne le voyait pas venir au dernier rendez-vous qu'elle lui fixait avant son départ qui fit que Roland nous a quittés ce matin si précipitamment. « Il te l'a dit, » souligna Rouletabille, « mais c'est un autre ordre d'idée. Revenons à l'agent. Ce Michel n'a donc pas vu arriver le prince ?»« Malheureusement non, et c'est tout naturel. » L'agent faisait le tour de la villa, qui est isolée, comme vous avez pu vous en rendre compte. C'est pendant que l'agent était derrière la villa que le prince aurait surgi d'un gros bouquet d'ajoncs, à 200 pas d'ici, sur la gauche. Le prince devait être sûr que Théodora et Roland se trouvaient dans la villa. On avait dû l'en avertir et il accourait pour les surprendre, après avoir attendu sans doute que l'agent eût disparu. Il est à présumer qu'on lui avait procuré quelques moyens de pénétrer dans la villa. Peut-être obéissait-il simplement, dans son état de fièvre, à un mouvement spontané qui le jetait contre ces murs qui cachaient les amours de sa maîtresse. Ce qu'il y a de certain, hélas, c'est qu'un affreux besoin de massacre l'agitait. Le malheur voulut que Thérèse, qui venait d'arriver, eût vu le prince sortir de ses ajoncs et courir à la villa. Elle se jeta au-devant de lui, s'accrocha à lui, poussa des cris, et l'autre, fou de rage, attirait. Vous pensez bien que Thérèse ne s'est même pas défendue. Il faut la connaître. Elle a dû goûter une joie surhumaine à être frappée ainsi, et si elle a crié, ce n'était point pour elle, soyez-en assurés, mais pour avertir Roland du danger qu'il courait. « Quelle tragédie » murmurai-je. « Après, » fit Rouletabille. Au premier coup de revolver, continua Ivana, l'agent s'est précipité. Il allait tourner l'angle de la maison sur la façade quand le second coup retentit, car il y eut un certain temps entre le premier et le second coup, et l'agent arriva juste pour voir Thérèse s'écrouler contre la porte. Pendant ce temps, le prince, après avoir abattu Thérèse et se rendant compte sans doute de l'horreur de son acte, jetait son revolver. Qui l'a ramassé, ce revolver ? L'agent. Comment est-il, ce revolver ? C'est une solide petite arme de poche de modèle courant. Le prince, après l'avoir jeté, s'enfuit en contournant l'angle de la villa, non pour se cacher, vraisemblablement, mais pour arriver plus vite à la fin de ses tourments, au suicide du haut de la falaise. Quant à l'agent, n'ayant pas vu le meurtrier, il ne s'est occupé d'abord que de cette femme ensanglantée qui lui tombait presque dans les bras. C'est à ce moment que la porte s'ouvrit et que Roland et Théodora apparurent. Vous voyez la scène. Roland fut d'abord comme fou. Cependant, quand il eut constaté que sa femme respirait encore, il reconquit tout son sang-froid, la transporta lui-même sur un divan, ordonna à Théodore, qui le regardait agir comme dans un rêve, de quitter cette maison et de n'y plus revenir tant qu'il serait là. Par qui a été louée la villa ? Par elle. Il a chassé donc de chez elle ? Mon Dieu, oui. Elle ne fit aucune objection, elle dit simplement... « Vous me permettrez peut-être de vous envoyer un chirurgien avec sa trousse ?» Il lui répondit que l'agent se chargeait de cela, et il la laissa partir sans un adieu. « Qu'est-ce que ça peut nous faire ?» exprima Rouletabille. « Mais dis-moi, quand tu es arrivé, toi, où en étaient les choses ?» Il y avait déjà beaucoup de monde autour de la villa. Je me suis douté que mon pressentiment ne m'avait pas menti. Ce n'est pas ce que je te demande. Tes angoisses, je les connais. En somme, quand tu es arrivé, tout était terminé ? Oui, répondit Ivana d'une voix dure. L'assassinat et l'opération. Bien, Pourquoi bien ? Parce que c'est net. Tu es en dehors du drame et en dehors de l'intervention chirurgicale. De toute façon, si la malheureuse succombe, on n'aura rien à te dire. Mais toi, que veux-tu dire ? Rien, qu'exprimer ma satisfaction que tu ne sois mêlée en rien à une affaire aussi embrouillée. Embrouillée, releva Ivana, il n'y en a jamais eu, hélas, d'aussi clair. Dame, fis-je. Rouletabille haussa les épaules. Enfin, en arrivant, tu as vu Thérèse ? Non, elle reposait après le dernier pansement. On lui avait fait une piqûre. Alors, tu as vu Roland ? Évidemment, comme on peut voir la statue du désespoir ou du remords. D'abord, je n'ai pas pu lui tirer un mot, puis, peu à peu, j'ai tout appris. À la fin, il pleurait comme un enfant. Il m'a dit de bien belles choses sur Thérèse. Et l'enquête ? Eh bien, l'enquête ? Naturellement, la villa est envahie par les commissaires, les magistrats. Il y en avait partout, qui fouillaient partout. Ils avaient apporté avec eux la nouvelle du suicide du prince Henri. « Je le regrette, avait dit Roland, car j'aurais voulu le tuer de ma main. » « Ah, autant que possible, point de scandale, avait répondu le commissaire central. Tout le monde aura à y gagner. » « Le drame, quoi que tu en dises, continua Ivana, paraissait tellement simple que l'enquête la plus sommaire pourrait dès lors le résumer. Elle fut encore plus rapide qu'on ne pouvait l'espérer, et c'est tout juste si le commissaire central posa, dans le particulier, si l'on peut dire, deux ou trois questions à Thérèse, qui avait retrouvé sa pleine connaissance et qui confirma qu'elle s'était trouvée en présence d'Henri II. « Il était fou, a-t-elle dit, je ne lui en veux pas. » À la suite de quoi, le commissaire eut une longue conversation avec Roland, et je crois bien qu'on est en train de s'entendre pour bâtir de toutes pièces un accident. Ces messieurs de la police et du parquet, qui sont enfermés en ce moment dans une pièce du premier étage, y travaillent. C'est à souhaiter qu'ils réussissent, même pour les boulangers. Surtout pour les boulangers, appuya Rouletabille. Pouvons-nous voir Thérèse ? Demanda-t-il enfin. Ivana nous quitta quelques minutes, puis revint nous chercher et nous fûmes introduits auprès de Madame Boulanger. Je vous avoue que j'attendais ce moment avec la plus grande impatience qui se doublait de la plus profonde angoisse. Depuis près d'une demi-heure, malgré tout l'intérêt du récit d'Ivana, je brûlais de me retrouver en face de cette grande figure de martyr auprès de laquelle je voyais tous les autres et moi-même si petits. Mais il en était ce jour-là avec Rouletabille, comme toujours, il fallait attendre qu'il eût fini de mettre à leur place, dans sa tête, une série de petits détails insignifiants en apparence, avant qu'on eût le droit de reporter son attention sur des objets capitaux. Que de fois avait-il ainsi excité notre impatience dont il n'avait cure ? Cependant, c'était ce système qui lui permettait de se présenter devant les auteurs principaux du drame, avec des armes que nul ne lui soupçonnait, et de remporter sur le mensonge de certains ou sur la niaiserie générale des victoires sensationnelles. Je savais tout cela, et que ce n'était pas une vaine curiosité qui lui faisait souvent poser des questions qu'à première vue on pouvait juger oiseuses. Mais dans cette affaire, qui apparaissait claire comme le jour, j'imaginais facilement que mon ami, en continuant d'agir comme pour toutes les autres, était victime de sa propre routine et j'avoue qu'il se diminuait à mes yeux, d'autant plus que ces questions dont il pressait Ivana paraissaient avoir pour point de départ, peut-être sans qu'il s'en doutât, un sentiment de jalousie que je jugeais bien intempestif. Enfin, nous pénétrons dans la pièce où Roland veillait cette femme à laquelle il avait fait tant de mal et qui venait de lui donner son sang. C'était un spectacle que je n'oublierai jamais. La pauvre femme allongée sur un drap que l'on avait jeté sur un divan était enveloppée jusqu'au cou dans un grand peignoir blanc et, assurément, elle était plus blanche que son peignoir. À genoux devant elle et retenant sa main dans les siennes, Roland Boulanger pleurait. Thérèse tourna vers nous des yeux admirablement vivants et que semblait habiter une espérance céleste. Malgré la défense qui lui était faite de parler, elle nous dit dans un souffle « Pourquoi pleure-t-il ? C'est le plus beau jour de ma vie !» Nous ne pûmes retenir nos larmes et, sur un signe de Roland, nous sortîmes. Deux heures plus tard, alors que nous nous trouvions chez Tortoni, où Rouletabille et moi nous avions retenu des chambres, l'inspecteur de la sûreté que nous avions trouvé à notre arrivée à Sainte-Adresse, M. Tamar, vint chercher Rouletabille de la part du commissaire central. Voici ce qui se passa au commissariat. Les reporters locaux s'y trouvaient déjà réunis et Rouletabille y vit aussi le petit Ramel du Dramatica. Le commissaire fit alors à ces messieurs de la presse une communication qui pourrait à peu près se résumer en ces termes. « Messieurs, deux événements regrettables se sont produits aujourd'hui qui ont donné naissance aux bruits les plus fantaisistes. D'une part, le prince Henri II d'Albany, dans un accès de fièvre chaude, s'est jeté du haut de la falaise de Sainte-Adresse. D'autre part, un accident, survenu vers la même heure sur les hauteurs de Sainte-Adresse, a profondément affligé une honorable famille, celle du célèbre professeur Roland Boulanger. Monsieur et Madame Boulanger visitaient des villas à louer sur la prière d'une amie de Paris qui avait dessein de venir passer le mois de septembre sur l'une de nos plages. J'ai nommé Madame de Lens, vous voyez que je cite mes auteurs. Le malheur voulut que dans l'un de ces chalets, la Villa Fleurie, Madame Boulanger trouva sur un meuble un revolver qu'on y avait oublié. Elle voulut se rendre compte de son fonctionnement, savoir s'il était chargé ou non, et il arriva, ce qui arrive trop souvent, quand les armes à feu se trouvent entre des mains inexpérimentées, le revolver partit et Madame Boulanger a été blessée. Heureusement, si grave qu'ait été sa blessure... « Ses blessures !» interrompit très hostilement le petit Ramel. Oui, ses blessures, car, en effet, sous la pression nerveuse, inconsidérée et machinale de la victime affolée de son imprudence, la gâchette agit deux fois, concéda le commissaire. Enfin, le principal est que Madame Boulanger ne succombera point à ses blessures. Son mari même répond d'une prompte guérison. Déjà, ce soir, son état est à ce point satisfaisant que Madame Boulanger a pu nous donner tous les détails de l'accident. Je vous ai réunis ici, messieurs, qui représentez la presse, parce que je compte sur vous pour établir la vérité des faits qui a été dénaturée par de méchants propos, de stupides racontars. La malheureuse coïncidence de ces deux événements a été purement fortuite, et cela, vous le direz. Vous devez la vérité à Madame Boulanger, qui vous la demande par ma bouche, et vous la devez aussi à la famille d'Albany, qui entretient avec la France, vous ne l'oublierez pas, messieurs, les relations les plus amicales. » Des murmures accueillirent, comme l'on pense bien, cette singulière déclaration qui était si peu en rapport avec les faits les plus évidents, mais Rouletabille prit à son tour la parole. « Mes chers camarades, ce que vient de nous dire Monsieur le commissaire est de tout point exact. Je puis vous l'affirmer mieux que personne, moi qui ai entendu cet après-midi Madame Boulanger elle-même, et du reste, voici l'article que je vais téléphoner à mon journal. » Là-dessus, il lut son article, qui était de tout point conforme au récit des événements, tel que venait de le faire le commissaire. « C'est un coup monté !» s'écria le petit Ramel. « Monsieur, protesta le commissaire en se tournant vers Rouletabille, je vous serai obligé de dire à vos confrères que je ne vous connais pas, que nous ne nous sommes jamais rencontrés et que vous n'avez reçu de moi, ni des gens de mon service, aucune communication préalable. »« J'en donne ma parole d'honneur, » répliqua Rouletabille. Les journalistes sortirent. Le petit Ramel ricanait. « Tu nous prends vraiment pour des poires, » dit-il à Rouletabille, et il lui montra l'article qu'il allait télégraphier à Dramatica. Le lendemain, nous nous jetâmes sur Dramatica à l'arrivée du rapide de Paris. Mais l'article n'y était pas. Il n'y eut qu'une feuille de chou de la localité et un journal anarchiste de Paris pour écrire ce que tout le monde savait sur le drame de la Villa Fleurie et sur le rôle qui avait joué Henri II d'Albany avant de se jeter du haut de la falaise. Ce jour-là, nous vîmes arriver le chef de la sûreté lui-même. « Décidément, c'est une affaire d'État, » dit Rouletabille. « Tant mieux. »« Oui, » fis-je, « le scandale en sera mieux étouffé. » »« Et personne ne saura la vérité, jamais, » ajouta-t-il. « Oh, personne, » relevai-je avec un triste sourire, « personne, excepté tout le monde. » Il ne me répondit point, mais je vis bien qu'il avait sa mine singulière des grands jours de mystère, quand il était le seul à voir les choses que lui montrait le bon bout de sa raison.